Bonjour, ici Valérie Levé sur CKRL 89.1 et c'est l'heure de notre balade scientifique avec Futur Simple. Et avant de commencer notre balade scientifique du jour, un grand merci à la générosité de tous, tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont contribué cette fin de semaine au Radioton de CKRL et qui a permis à votre station d'amasser 55 150 $ et donc le compte y est, CKRL a atteint ses objectifs. Ça fait chaud au cœur de savoir que les auditeurs, les auditrices sont là et cela nous encourage à CKRL de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous voici donc en route pour notre balade scientifique du jour qui va nous emmener dans l'univers des données. À 18h30, je serai en compagnie de Cécile Petitgan qui vient d'écrire un livre intitulé « Données personnelles, reprenons le pouvoir ». Elle démystifiera ce que sont les données personnelles, comment elles nous échappent et comment faire collectivement pour en garder le contrôle. Mais pour le moment, notre balade scientifique, on va la faire en voiture, peut-être pas vraiment en voiture, mais disons à bord de véhicules motorisés à l'essence. On va la faire avec Ilias Tebich. Il est associé de recherche à l'Institut National de Recherche Scientifique Centre ETO Terre Environnement, ici même à Québec. Et il travaille sur un projet fort intéressant, un projet de recherche pour capter et stocker le CO2 qui sort du pot d'échappement des véhicules. Bonjour Ilias. Bonjour Valérie. Alors je suis bien heureuse de t'accueillir à nouveau au micro de Futur Simple. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui, merci. Pour un sujet quand même, on parle beaucoup de captation de CO2, mais on en parle certaines fois, mais on n'en parle pas toujours à propos des véhicules qui sont parmi les plus émetteurs. Donc c'est quand même fort intéressant, j'étais fort heureuse d'apprendre qu'il y avait un projet de recherche sur le sujet. Donc on va commencer par mettre un peu de contexte, Elias, autour de ces GES qui sont émis par le transport. Oui, d'abord pourquoi on s'intéresse au transport? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas mal le premier poste qui est responsable des émissions de GES au Québec. Donc au Québec, on émet à peu près 80 millions de tonnes d'équivalent CO2 par année. Mm-hmm. Et le secteur des transports est responsable pour plus de 40% de ces émissions. Voilà, voilà pourquoi il faut s'en occuper. Exact. Le secteur des transports est responsable des 40% et particulièrement le secteur des transports lourds, surtout pour des longues distances. Lui, il représente le tiers des émissions du secteur des transports. Ah oui? Oui. Et présentement, on s'intéresse particulièrement à l'électrification comme une solution pour la décarbonation de ce secteur. Par contre, la décarbonation de ce secteur avec l'électrification, donc je parle du transport lourd à longue distance particulièrement, risque d'être un petit peu plus compliqué. Là, en fait, quand on parle de transport lourd, on parle des camions, du transport de marchandises. Est-ce qu'on parle aussi des autobus qui transportent les personnes? On parle surtout du transport lourd de marchandises. Okay. Et donc, c'est particulièrement le transport qui fait typiquement le transport Canada-États-Unis, par exemple. Et donc, on parle de distance de à peu près 1000 km par jour de parcouru. Ah ouais. Et avec des charges quand même beaucoup plus importantes que ce qui peut être contenu dans un véhicule de promenade. Et donc, en termes de densité d'énergie, c'est un petit peu plus compliqué de mettre une batterie sur un camion. Ah ouais, c'est ça, j'imagine qu'il va falloir mettre une batterie hyper lourde. Exact, et c'est pas le but parce que le but c'est de transporter, fait qu'on veut pas... Le but c'est de transporter de la marchandise, exact. Et pas une batterie. Exact, exact. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres types de véhicules lourds qui pourraient être concernés par cette approche-là? Tout ce qui est très gourmand en énergie, par exemple des tracteurs ou des machines de déneigement. Donc, c'est des véhicules qui fonctionnent pendant longtemps et qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Et avec la technologie actuelle des batteries, on risque de ne pas trop avoir d'alternatives. Et les véhicules miniers, par exemple, aussi, on parle de gros transports, là, est-ce que ce Ça serait... pourrait être ça aussi, oui. Là, ils sont loin aussi. Exact. Puis il y a toute une autre question de disponibilité d'électricité dans des zones Ouais, éloignées. c'est ça, exactement. Donc, Effectivement. on voit un peu les grosses machines auxquelles tu t'intéresses. En fait, en quoi consiste ton projet? Tu réalises ça à Oui. l'INRS, mais tu fais pas ça tout seul. Non, non, non, non, absolument pas. Je travaille avec le professeur Louis-César Pasquier, et donc la raison pourquoi je viens aujourd'hui, c'est donc pour parler de ce projet qui est financé par le ministère des Transports et du Développement durable du C'est le Québec. ministère Exact. qui finance ce projet-là. Exact, c'est vraiment très. On apprécie l'intérêt qui est donné par le ministère pour cet enjeu-là particulièrement. Et pour leur vision là-dessus. Et c'est ça. Donc, c'était quoi la question, pardon? Donc, je disais, j'imagine que tu n'es pas tout seul à Non, développer ce non, projet-là, parce que c'est quand même non. un projet qui me semble assez audacieux. Donc, tu es dans un environnement de recherche avec Le le professeur Louis-César professeur Pasquier, Pasquier, qui d'accord. s'intéresse depuis quelques années déjà à tous les enjeux de captage et de séquestration, utilisation du CO2. C'est ça, mais donc Louis-César Pasquier était donc déjà venu au micro, toi aussi tu étais déjà venu au micro parler de ces problématiques-là, mais Oui. c'était avec d'autres stratégies complètement différentes, il me Exact, semble. on visait pas, à ce moment-là, on parlait de manière plus générale, ou on visait pas, en tout cas, le secteur des transports. Et la raison, je vous dirais, pourquoi on s'intéresse aujourd'hui aux transports, c'est que ça, c'est plus facile d'essayer de faire du captage et du stockage du CO2 pour le secteur industriel, par exemple. Parce que les émissions sont plus contenues dans une zone géographique. Plus ponctuel, Exact, plus ouais. ponctuel, stationnaire, et c'est plus facile d'aller travailler sur une industrie que d'aller travailler sur plusieurs véhicules qui sont un peu éparpillés partout. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait installer un système sur le véhicule. C'est ça, donc l'idée c'est de venir, au lieu de changer la technologie avec laquelle le véhicule fonctionne, c'est juste de venir installer à la sortie du pot d'échappement, un petit peu comme ce que fait le pot catalytique. Excusez, je bois de l'eau. Ouais, un petit peu ce que fait le pot catalytique ou le catalyseur. Donc le catalyseur, il vient dépolluer en quelque sorte le gaz qui sort du pot d'échappement, enlever le soufre, les oxydes de soufre et les oxydes d'azote. Et nous, ce qu'on veut étudier avec ce projet-là, c'est vraiment un genre de pot catalytique, un genre de pot d'antipollution, mais qui vient viser surtout le CO2. Et est-ce qu'on connaît déjà le principe? Qu'est-ce serait le principe pour capter le CO2 qui sort dans les gaz d'échappement? Le principe est quand même très connu. Ce genre de technologie a été développé surtout dans les années 30 pour le secteur du gaz naturel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on trouve un puits de gaz naturel, par exemple, le gaz naturel n'est jamais pur. C'est pour ça qu'il y a des raffineries en passant. Et donc, les industriels de ce domaine-là, ils ont développé des procédés pour venir purifier le gaz naturel en quelque sorte et d'enlever le CO2. Et donc, nous, ce qu'on veut faire avec ce projet-là, c'est vraiment prendre cette technologie qui a été développée pour le domaine du gaz naturel et industriel et l'appliquer pour le secteur des transports. Donc, il y a avec des enjeux un petit peu plus complexes en termes de mobilité, en termes d'espace disponible et en termes de poids aussi. Bah, c'est ça, parce que je sais pas je visualise pas quel espace ça prend, quel poids ça peut peser, ce genre de système. Est-ce qu'on va pouvoir caser ça dans le Dans des études préliminaires que j'ai vues dans la littérature, à peu près ça prendrait 3, 6, 10% du volume total qui est consacré au transport dans un camion lourd. Donc, de l'ensemble De l'ensemble motorisation, etc., du volume échappement. alloué au transport. D'accord. Et en termes de poids, est-ce que ça... C'est à peu près la même chose. C'est sur... OK. L'enjeu est surtout en termes de volume qu'en termes D'accord. de poids. Ouais, d'accord. Donc là, ça va capter, ce système-là capte le CO2 à la sortie. Mais là, qu'est-ce qu'il devient, ce CO2? Il va rester sous forme de CO2. Alors, ce Ça système. va de, ça va Ouais. alourdir le ça Exact. va alourdir le camion? Exact. Ouais. C'est pour ça que qu'on parle beaucoup d'enjeux de. Ça va alourdir, oui, mais ça va aussi prendre du volume, parce que le Ah CO2 est un volume, oui. Ouais, c'est puis vrai. le carburant, généralement, c'est un liquide, donc du diesel ou de l'essence. Et donc, le fait de vouloir capter un gaz dans un véhicule, ça risque de créer des enjeux de volume. Donc, dans ce projet-là, en l'occurrence, on veut voir toutes les options qui sont offertes, éventuellement le stocker sous haute pression ou le liquéfier même dans le véhicule pour le garder sous forme liquide. Mais là, on rajoute de la machinerie parce que le compresser, bah, ça veut dire qu'il y a une pompe, il y a un système. Exact. Donc, à nouveau, on rajoute de l'équipement qui va à nouveau rajouter du poids. Qui va rajouter des coûts, exactement. Des coûts. Mais c'est ça, c'est l'idée, c'est pas la solution nécessairement magique pour décarboner le secteur des transports, mais ça pourrait faire partie des options qui vont être intéressantes à voir. Surtout pour des secteurs qui vont être difficiles à électrifier. Et comme tu disais au début, c'est pour tout ce qui fonctionne avec des moteurs à combustion interne, donc au diesel ou à l'essence. Mais ça peut être aussi intéressant dans le cas des génératrices de courant. Ah oui? Parce que c'est le même principe de fonctionnement. Vous mettez un carburant dans la génératrice, puis ça vous donne de l'énergie, ça émet du CO2. Donc, la génératrice est un petit peu plus facile. C'est plus facile de venir chercher le CO2 dans une génératrice que dans un véhicule parce que ça ne bouge pas, puis il y a moins d'enjeux de poids et de volume. Et donc, ça pourrait être intéressant, par exemple, dans le cas pour le ministère des Transports, dans le cas des chantiers, par exemple, on construit un pont puis on n'a pas d'électricité à côté. La solution, généralement, c'est d'avoir une génératrice de courant qui est là de manière temporaire. Mais ici, avec ce dispositif qu'on essaie d'étudier, c'est de venir aussi voir est-ce que ça peut être appliqué pour ce genre de situation. Et pour les trains qui roulent au diesel, est-ce que ça pourrait être appliqué? Oui. Parce qu'eux aussi, ils transportent la marchandise. Exact. Idéalement, pour les trains, c'est quand même beaucoup on plus facile. On pourrait avoir un train électrique, par contre. Exact. C'est beaucoup plus facile d'électrifier un train que d'électrifier un camion lourd, en plus. Ouais. Parce que c'est moins éparpillé. Voilà, exactement. Donc, il y a cette question-là de réussir à extraire le CO2 du gaz qui sort de l'échappement, de le stocker sur place, le comprimer. Et après, même une fois qu'il est comprimé, qu'on l'a stocké, il faut bien s'en débarrasser. On fait quoi avec? Exact. Mais l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut, par exemple... C'est comme le projet de recherche, il vient de commencer, donc je n'ai pas beaucoup de résultats. Ouais. Mais ce qu'on veut voir ici, c'est c'est quoi le dispositif qui serait intéressant. D'accord. Exemple, est-ce que ça serait intéressant d'avoir juste un genre de pot qui va contenir le CO2, donc il va le capter. Et une fois qu'il est plein, par exemple le camion, au moment où il veut se recharger en essence ou en diesel, il pose ça dans la station d'essence, il reprend un autre... Oh, excusez. Il reprend un autre pot qui est vide, puis qu'il l'installe. Ou d'avoir un système qui se sature, puis à un moment donné, ça ne capte pas le CO2, mais en fin de compte, vous avez quand même moins d'émissions de CO2 que dans le cas où vous n'avez pas de système de captage. Est-ce que c'est une technologie qui est déjà développée quelque part? J'imagine que l'INRS ou le ministère des Transports du Québec n'est pas le seul à plancher sur ces questions-là. Il y a des transports ailleurs, il y a des camions lourds ailleurs dans le monde. Oui, mais c'est quand même très récent comme sujet de recherche. Mm-hmm. Mais il y a quand même beaucoup surtout dans le domaine privé, il y a la compagnie Saudi Aramco qui a beaucoup travaillé sur le sujet depuis quelques décennies déjà. Mais l'idée, c'est de développer aussi la technologie au Québec. Donc, c'est par rapport au domaine du captage et de la séquestration du CO2, c'est quand même très récent parce qu'on s'est beaucoup intéressé aux émissions qui sont stationnaires. Mais c'est très récent. Puis c'est pour ça aussi que c'est très excitant pour moi. Oui, et puis j'imagine que c'est des problématiques qui se posent plus dans des pays où il y a des grandes distances de camionnage avec pas forcément d'infrastructures faciles à électrifier. Bon, dans les pays plus concentrés en Europe, c'est peut-être facile de faire du train un peu partout. Mais exact. Pour aller jusqu'à cette île, c'est peut-être plus compliqué. Exact. Ou plus loin, c'est plus compliqué. Exact. Ouais. Surtout, c'est ça, pour électrifier tout un réseau autoroutier, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc là, ce projet, il s'inscrit en fait dans une thématique plus vaste des technologies du captage de CO2. Donc des projets des projets de captation de CO2, ça se développe quand même depuis plusieurs années. Tu en étais déjà venu en parler au micro de Futur Simple. Pourquoi les transports sont restés à l'écart jusqu'ici? Est-ce que c'est à cause justement de la problématique de la mobilité? Probablement, mais je pense aussi parce que il y a eu tellement du retard à récupérer que ça a été plus facile d'aller cibler des secteurs plus faciles à décarboner. Par exemple, dans le domaine du captage de la séquestration, On a beaucoup ciblé les cimenteries, les grosses industries, où là, on parle de quelques millions de tonnes qui sont émises par année dans un secteur géographique très, très localisé. Et même à ce niveau-là, les solutions ne sont, sont pas encore appliquées. Donc, on est allé un peu de manière pragmatique. On s'est intéressé au secteur qui était plus facile à décarboner. Et on a un peu laissé le secteur des transports un peu à l'écart en espérant qu'éventuellement l'électrification va faire le travail. Mais moi, en tout cas, mon opinion, c'est que je ne pense pas qu'on peut juste compter sur ou espérer que le développement ou les percées technologiques éventuelles qui vont venir dans le domaine des batteries vont aider à décarboner ce secteur-là. Ça va sans doute être un ensemble de technologies. Donc, on parle de l'électrification. Des fois, on parle aussi de l'hydrogène qui pourrait prendre le relais aussi sur de longues distances. Ou alors la captation. Exact. Il y a plusieurs solutions. Puis en préparant aussi l'émission, j'avais regardé que... Par exemple, j'ai vu qu'en Allemagne, la compagnie Siemens explorait un genre de prototype où il allait... réservé comme une voie d'autoroute pour les camions qui allait être équipé d'un genre de fil électrique, un petit peu comme ce que marchent les tramways. Mais là, les grands camions auront la possibilité de venir se brancher sur ce fil électrique tout au long de l'autoroute, puis ils auront une batterie qui est aussi à bord, donc ils pourront se recharger en même temps. Mais ça reste très, très explorateur encore, puis c'est pas encore développé, c'est pas encore gagné que ça va être appliqué dans l'Amérique du Nord où il y a de longues distances et des... Bah ouais, parce que tant qu'à faire une voie d'autoroute électrifiée, pourquoi pas faire un train aussi? Exact. Mais peut-être que ça peut aussi être une solution spécifique pour certains endroits. Puis donc là, il y a beaucoup d'enjeux quand même liés aux technologies de captation du CO2. Bon, face à la... Il y a quand même, ça dépend de la demande énergétique. Est-ce qu'il y a un marché aussi pour ce CO2 qu'on va... C'est bien beau de capter du CO2, mais après, on en fait quoi? Donc, il y a toute cette question du marché du CO2. Exact. C'est un autre enjeu. Puis je vous dirais que c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Ouais. Parce qu'on commence par capter le CO2, puis là, on obtient beaucoup de CO2 pour en développer un marché. Ou est-ce qu'on commence par développer des technologies d'utilisation? Puis après ça, on cherche à avoir la matière première qui deviendrait dans ce cas-là le CO2. Présentement, il n'y a pas assez de développement dans les deux secteurs. Puis c'est surtout le secteur de l'utilisation qui est un peu à la traîne. C'est ça. À quoi va servir ce CO2? Parce que s'il y a une demande pour le CO2, j'imagine que les procédés pour capter le CO2 vont prendre plus de valeur. Exact. Fait que c'est l'histoire un peu de l'œuf et de la poule. Nous, on s'intéresse dans ce projet-là au captage. Ouais. Puis c'est ça n'empêche pas de travailler en parallèle sur des projets d'utilisation de CO2. On en fait à l'INRS l'utilisation de CO2 avec les restes du minier. Voilà, c'est ça. Exact. Donc là, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Parce que là, tu as parlé de captage par les résidus miniers. Mais là, tu ne vas pas mettre des résidus miniers dans ton pot d'échappement. C'est quoi le principe? Il faudrait imaginer comme un solide qu'on viendrait mettre... Ça ressemblerait un peu à un pot catalytique, mais la matière qui est dedans va être différente. Donc, on utiliserait un solide qui a de l'affinité envers le CO2. On les connaît, on a quelques solides, on parle de zéolithes qui sont des aluminosilicates. Donc, si on va à l'échelle microscopique, si on zoome dans le solide, on va voir que ça contient généralement des micropores qui vont piéger le CO2, qui vont laisser passer l'azote et les autres gaz là, qui sortent de là. C'est comme un filtre. Puis qui retiendrait uniquement le CO2 et laisserait passer les autres gaz. Okay. Donc l'idée, c'est de voir quel type de solide ou d'adsorbant pourrait être intéressant pour cette application-là et voir aussi lequel de ces solides-là on pourrait le régénérer sans avoir trop d'impact énergétique sur le fonctionnement du véhicule. Ok, le régénérer parce qu'après, c'est ça, si on récupère le CO2, mais il faut que ce matériau-là soit à nouveau capable de recapter. Exact. L'idée, c'est de fonctionner avec des cycles. Et donc, il y a un cycle d'absorption ou de captage. Puis, un autre cycle, on va le régénérer pour être capable de prendre plus de CO2. Mmh. Et l'idée, c'est d'avoir un genre de média ou de solide qui est capable de faire ce cycle-là sans trop consommer de l'énergie. Pourquoi ça devient intéressant dans le cas des véhicules? C'est parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de manière générale, l'efficacité énergétique d'un moteur à combustion interne qui fonctionnerait au diesel ou à l'essence, c'est à peu près 30%. C'est-à-dire que 30% de l'énergie qui est contenue dans votre carburant va servir au déplacement. Les deux autres tiers sont des pertes énergétiques qui sont perdues soit dans le réchauffement du moteur lui-même ou qui sont émis dans, dans les gaz chauds à la sortie du pot d'échappement. Donc nous, on voudrait aussi voir comment ça serait quoi la stratégie qui serait intéressante pour venir utiliser une partie de cette énergie-là qui est perdue pour régénérer ce solide-là qui sert à capter le CO2. Mais cette énergie, donc, c'est de la chaleur. Cette énergie, donc, récupérer cette chaleur, c'est cette énergie sous forme de chaleur pour régénérer le matériau captant. Exact. C'est tous les enjeux de recherche qu'on voudrait explorer dans ce projet-là. Ouais. Comment on mène ce genre de recherche en laboratoire? Parce qu'il ne va pas y avoir un camion. Bon, là, je parle de façon un peu naïve, mais il ne va pas y avoir un camion à l'INRS qui émet son CO2 et puis on fait l'expérience sur le camion. Non, pas dans cette étape nécessairement. Il pourrait en avoir d'autres étapes où on va tester ça plus à l'extérieur, je vous dirais, pour des raisons de sécurité, mais au laboratoire, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on prend un gaz qui est, connaissant la composition du gaz qui sort d'un camion, on va un peu simuler ce gaz-là. Donc, on va prendre les mêmes compositions, les mêmes débits, les mêmes températures. Puis, on va tester notre solide d'intérêt qu'on voudrait utiliser pour capter le CO2 dans des conditions de moteur à combustion. Donc, on teste ce gaz synthétique au laboratoire avec une petite quantité de solide et on voit comment ça se comporte. Puis là, il y a plusieurs combinaisons à essayer parce que le matériau là, avec les éolides, j'imagine qu'il y a plusieurs, il y a des variantes probablement. Exact, plusieurs matériaux, plusieurs températures à essayer. Ouais. Est-ce que ça a plusieurs taux d'humidité? Parce qu'il y a de l'humidité aussi dans les pots d'échappement. Et que ça, tout ça, ça a des... Le débit aussi, plusieurs débits. Oui. Combien vous mettez de solide par rapport au débit de gaz qui sort. Tous ces enjeux-là, il faudrait répondre au laboratoire avant de passer à des échelles plus grandes, à l'échelle plus... Et après, une fois que ça marche, on incorpore ce procédé dans un camion. Donc, on parle au constructeur des camions. Ça pourrait être ça, ou la façon que je le vois, en tout cas, personnellement, ça va être plus sur une génératrice d'électricité. Ah oui, en première étape. Ouais, parce qu'il y aurait moins un enjeu de mobilité, donc ça serait plus facile, entre guillemets, de venir installer. Parce que oui, il va avoir le solide à tester, mais avoir tous les équipements d'analyse qui vont nous permettre de détecter est-ce que notre matériel fonctionne bien ou pas. Est-ce que ça va fonctionner quelle que soit la température? Est-ce que l'affinité, est-ce qu'elle va être la même à plus 10 degrés, à moins 20 degrés? Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser ces conditions-là au laboratoire avant d'aller dans des échelles plus grandes. Donc là, il y a du travail qui t'attend au laboratoire. Oui. Le projet démarre là. C'est un projet qui dure combien de temps? C'est sur 2 ans. Puis le but ici est d'être terminé. Est-ce que ça va être une option qui serait intéressante au Québec? Puis si oui, c'est dans quelles conditions? Quelles conditions d'opération? Quel type de solide? Comment on régénère, etc.? Donc, c'est toutes des questions que j'ai hâte qu'on puisse répondre à l'INRS. Moi, j'ai hâte que tu viennes nous dire le résultat de toutes ces recherches-là. Ça va être fascinant à suivre. Ça va me faire plaisir. Donc, je pense qu'on va prendre rendez-vous l'année prochaine, la saison prochaine. On va te laisser quand même un petit peu de temps, de débroussailler un petit peu tout ça, parce que là, ça fait juste commencer. Donc, on va te laisser un petit peu le temps de faire tes recherches et puis tu reviendras nous en parler dans quelques mois. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Elias, d'être venu au micro nous présenter cette recherche quand même assez intéressante. Donc, je rappelle que Elias Tebich est associé de recherche à l'Institut national de recherche scientifique, Centre Haute-Terre Environnement, ici même à Québec.